Les WC du TGV. L'orange m'avait poissé les mains et le menton. J'allais me laver dans les toilettes de ce TGV. À peine appuyai-je sur le bouton du robinet que quelque chose glissa sous la porte. Un petit bout de papier où il était écrit « Bonjour » en lettres majuscules au stylo vert. J'ai aussitôt ouvert la porte que je n'avais même pas verrouillée, la bouche encore collante aux oranges. Il était là, adossé à la paroi du semblant de couloir, les bras croisés. Il n'était même pas beau. « Sensuel, le cou de l'orange. »« De quoi me parlez-vous ? » ?»« De la sensualité que vous dégagez quand vous mangez une orange. » Nous avons fait l'amour dans les toilettes. Non, pas l'amour. Une relation brève, bestiale, sale. Ce fut la seule fois que je trompais mon mari. Je n'ai plus jamais mangé d'orange.